Hermanos y hermanas de Asia, de África, Oceanía, Europa y América. Bienvenidos a las montañas del sudeste mexicano. 106.3 FPP, la jungle des luttes. Bienvenue, merci de nous écouter. On est en direct jusqu'à 20h30. On est, on sera sur le Mexique pour une fois essentiellement, mais on manquera pas de vous donner des petites informations sur ce qui s'est passé près de chez nous ou ce qui va se passer tout bientôt. Et donc on aura un interview qui a été fait en amont avec Liu, et on sera en direct avec Nico qui lui a fait un séjour au Mexique et nous parlera de ce qu'il a vu. On pourra aborder tout un tas de choses qu'ont à voir avec le Mexique, ses résistances, ses luttes, ses combats, cette force, cette énergie qui nous porte depuis des années, notamment le soulèvement zapatiste, puisque donc le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte, on a notamment été créé grâce au soulèvement zapatiste en 94. Le comité, c'est lui créé en 95. Et donc, depuis, on est en assemblée ouverte. Et on anime cette émission une fois par mois en direct le lundi de 19h à 20h30, le troisième lundi du mois. Et on est retransmis le quatrième jeudi du mois de 8h à 9h30, donc pour les plus tôt, les matinaux, si vous voulez donc nous réécouter, si vous avez autre chose à faire ce soir. Et donc on va parler du Mexique et donc aussi de Ricardo Flores Magón, puisque c'est l'anniversaire, le centième anniversaire de Ricardo Flores Magón au mois de novembre. Donc on aura une semaine qu'on essaiera de lui dédier, un anarchiste mort en prison aux États-Unis au début du siècle dernier, et qui a notamment impulsé cette fameuse révolution mexicaine qu'on connaît avec Pancho Villa et Emiliano Zapata, bien évidemment. Donc on se retrouve juste après une petite pause musicale pour attaquer notre petit programme. On est en direct jusqu'à 20h30, c'est la jungle des luttes FPP. Merci. Et donc, bon, on a un petit problème technique, donc on dirait plutôt. Donc, je vous annonce d'ores et déjà, dans un premier temps, que nous avons samedi 22 octobre, donc samedi prochain, les amis qui luttent contre le Grand Paris, et notamment contre des destructions de terres agricoles, du bétonnage en série sur l'Île-de-France. Et donc, c'est une marche qui va partir à partir de 10h de la gare de Saint-Quentin en Yvelines, qui arrivera le soir à 18h à Saclay. Et entre-temps, il y aura des petites pauses sur une ferme, une pause pique-nique, des petites actions symboliques. Donc, si vous voulez avoir des informations sur cette marche, vu qu'elle est déclarée, vous pouvez trouver des informations sur un site Terminus Saclay. Et donc, je pense que vous allez facilement trouver des informations pour se joindre à cette lutte sur nos territoires, ici, là, tout près de nous, ce bétonnage qu'on n'a pas réussi à arrêter, qui est en marche depuis un bon bout de temps. Mais il y a encore moyen de freiner un certain nombre de portions ou des bouts de projet. Et donc, samedi à 10h à Saint-Quentin en Yvelines, le rendez-vous à 10h. Merci, cette fois on fait la petite pause musicale et on continuera à rentrer dans notre projet. Merci. Never look away, said I never look away. Power. God take king, king take jack, jack take queen, cause she never talk back. Queen take 10, faceless, down to one and it's aceless. That's the power stack, that's the power stack, that's the power stack. P-O-W-E-R, P-O-W-E-R. Power, the essence of everything, see it every day. Power fucked, everywhere, not looking underfed. Swinging on your life, better duck. Power stay in the hands of the few. They call it good business, we call it bad luck. They call it class war, when we fight back. Power on the attack, it stay raw. Say you better have a team or crew. Someone give a fuck about you. Our humanity can survive if we want it to. Black cat, best we can get. Rule we ready to ride, cause we know the time, not mean. Pull the curtain back, fuck with the game exposed, unseen. Concentrated power in your face, your worth is based on the money that you make and the power you control. Fuck the content of your character, sell that soul. Cutting them teeth, sharp as fuck, going on in it, don't look up. God take king, king take jack, jack take queen, cause she never talk back. Queen take ten, faceless, down to one and it's aceless. That's the power stack, that's the power stack, that's the power stack. P-O-W-E-R, P-O-W-E-R. I'm not responsible for the things I say and do, held accountable, but that's for us, not their position. It's a double standard, undeniable power, she's so desirable. Met her in the hallway, she was crying though, no peace. They want me all for themselves, but I need to be shared, otherwise I create a beast of authority. Creep, that's not what I wanna be. Girl, good looking out, I say I stay calm, cool, collected, cause I took the time and I reflected. No kings, no queens, till we all got crowns. We run our town and we grown up. Their pitch gold dream getting sewn up. Dawn left that heart cause showed up. The power and corruption, more than an abstract concept or my assumption. In the business creating an illusion that we have a choice, but these options they set up for us. Hits their agenda, where's a voice? We need to help ourselves together. Sever that mentality, keeps us locked down. Play the fake world, feeling like a guest in your own house. And they took it from us, and I know now. Poverty penalties punish the poor. This is the score. We are not born free, it's hardcore. Divided on the map, all in the stack. Power cutting their teeth, sharp as fuck. Going on in it, don't look up. God take king, king take jack, jack take queen, cause she never talk back. Queen take ten, faceless, down to one and it's aceless. That's the power stack, that's the power stack, that's the power stack. P-O-W-E-R, P-O-W-E-R. Power, power, power, power, power. Never look away, said I never look away. Power, power, power, power. Mm. Yeah. 106.3, la jungle des luttes. On est avec vous ensemble en direct jusqu'à 20h30. Ce mois d'octobre, c'est un mois particulier pour ceux qui s'intéressent au peuple autochtone, puisque c'est ce fameux mois où on célèbre d'un côté justement cette fameuse découverte de l'Amérique. Cette découverte qui n'est autre que le pillage et la destruction des peuples autochtones se trouvant à cette époque sur ces territoires. Et donc c'est en même temps justement la possibilité de mettre en lumière ces peuples autochtones qui résistent et qui existent malgré toute la destruction, la spoliation de leurs terres et la tentative de les réduire à néant. Et cinq siècles après, les apatistes nous, tout particulièrement CSPCL, mis en lumière cette capacité, pas seulement une question de résilience, mais justement cette capacité à pouvoir continuer à naître toujours plus fort et toujours encore plus convaincu aujourd'hui qu'avant que ce en quoi ils croient, la terre-mère, c'est profondément... la valeur fondamentale à laquelle nous, on devrait essayer de peut-être tendre. Et parce que si on écoute certaines personnes de ces peuples autochtones, qu'ils soient du nord au sud, il y a quelque chose qui les réunit. C'est cette terre-mère et réellement cette croyance qui, justement, n'est pas synonyme d'aliénation, mais plutôt de vénération au sens fort du terme, puisque c'est on vit de la terre grâce à la terre, donc on lui doit tout et on se doit de la préserver évidemment puisqu'on vit d'elle. Et donc ce respect de la terre qui aujourd'hui semble évident aujourd'hui vu le problème du climat, la crise énergétique, enfin toutes ces choses dont on entend parler depuis des dizaines d'années et aujourd'hui de façon très forte. Les peuples autochtones, les peuples indigènes ont déjà essayé à plusieurs reprises de nous faire comprendre cette façon de voir le monde qui nous permettrait justement d'accéder tous probablement à la dignité et à notre respect et à notre vie avec tout ce que ça comprend. Et donc il y a eu plusieurs événements qui ont été... organisé dans ce courant du mois d'octobre, puisque la date, c'est celle du 12 octobre, Et donc, cette fameuse, ce nom de Abya Yalal, justement, qui est une façon de renommer l'Amérique par les peuples autochtones. Donc, il y a eu des événements qui ont été organisés à Ivry et encore au CICP dernièrement, et des manifestations aussi à la place Saint-Michel. Il y a eu plein d'autres choses. Et donc, c'était l'occasion de rencontrer, notamment grâce au CSIAS, comité de solidarité avec les Indiens d'Amérique, qui donc tous les ans font une journée exceptionnelle et invitent des représentants des peuples autochtones à partager justement leur expérience, leur résistance et leur existence. Donc on a pu justement hier être à la salle Jean Dame et voilà, parcourir aussi ces peuples autochtones d'Amérique et, ou encore d'outre-mer, si on veut dire, puisque du coup ben voilà, en France, on a des peuples qui s'appellent des peuples d'outre-mer. Et justement, à la conférence, ils rappelaient que depuis quelques années, ce ne sont plus des peuples d'outre-mer, mais les populations d'outre-mer. Ce qui les défait du propre de ce qu'est un peuple avec une culture, ses croyances, ses us, ses coutumes, sa richesse, sa force, son identité. Et voilà, on est dans un processus de colonisation finalement qui se poursuit à travers des petites injonctions comme ça, des changements de termes qui racontent plein de choses, quand de l'autre côté, ben voilà, fort heureusement, les peuples continuent à se battre et à se soulever et à préserver ce qu'ils ont de plus cher, c'est-à-dire leur façon de vivre. Et donc c'est ce qu'on a pu entendre grâce à tous ces représentants, qu'ils soient justement en Polynésie ou dans les Amériques, enfin du nord au sud. Et donc c'était très riche et très intéressant. On a aussi forcément un salut très grand et une demande de mobilisation, parce que ça fait quand même 47 ans. Donc normalement, on a tous entendu quasiment parler de Léonard Pelletier, qui est emprisonné depuis 47 ans. Qui lui aussi fait partie d'une communauté indigène, qui faisait partie d'un mouvement justement de défense des Indiens et d'Amérique, et qui est accusé. C'est une grossière erreur, une grosse machination. 47 ans qu'il est en prison, et aujourd'hui il y a enfin peut-être la possibilité de voir sa sortie, puisqu'il y a, il y a eu des mouvements. De fait, il y a des magistrats un magistrat qui a pu dire qu'effectivement il avait fait une erreur, une autre personne qui a avoué s'être trompée. Bon, bah, tout ça ne résout encore rien, mais il y a au moins déjà une lumière qui s'est faite sur cette vraie vérité, c'est-à-dire que c'est un pur mensonge et qu'il ne devrait jamais être emprisonné depuis 47 ans. Donc voilà, là je pense que c'est pareil. Si vous voulez vous intéresser de près, il y a des petites. Il y a des cartes postales éventuellement à envoyer, il me semble. En tous les cas, une mobilisation à se faire pour ceux qui auraient d'autres médias et envie de transmettre cette information, de le faire savoir. La pression aujourd'hui a été faite depuis un mois. Il y a une campagne qui a été menée par trois personnes qui donc viennent défendre la cause et le combat de Léonard Pelletier à l'ONU, au Parlement européen, et puis ici à essayer en France de rencontrer le Parlement et un certain nombre de députés, enfin petit nombre, mais pour en tous les cas faire résonance et essayer donc de faire sortir véritablement enfin Léonard Pelletier. Et on est le 17 octobre, et donc on n'oublie pas ce crime d'État en France. En 17 octobre 1961, des dizaines, des centaines d'Algériens jetés à la Seine. Ça commence aussi à sortir petit à petit. Il y a des petits mots de certains présidents qui essayent d'éviter le pire, mais effectivement, on ne peut pas continuer à nier plus longtemps ce massacre d'Algériens. Et donc, on salue leur mémoire, leur famille et le combat de tous les Algériens et d'ailleurs. On va faire une petite pause musicale et ensuite on sera donc avec Liu et Chloé qui a fait l'entretien avec lui, qui nous parlera de Miguel Peralta, un compas qu'on connaît depuis longtemps, qui lui donc est au Mexique Et puis je crois que vous avez abordé également la semaine de Ricardo Flores Magón, puisque tout ça c'est lié, puisque c'est des mêmes territoires, des mêmes luttes, des mêmes combats, des belles personnes aussi qui nous apportent encore toujours une expérience pour lutter et réagir au mieux. Merci, musique. De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren dividir a la madre de sus hijos y quieren reconstruir la cruz que arrastrará Cristo. Quieren ocultar la infamia que legaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su cara. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los panes. Junto a mi hijo y mi hermano, la primavera que todos vamos construyendo a diario. No me asusta la amenaza, patrones de la miseria. La estrella de la esperanza continuará siendo nuestra. Vientos del pueblo me llaman, vientos del pueblo me llevan, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Así cantará el poeta mientras el alma me suene por los caminos del pueblo, desde ahora y para siempre. .3, la jungle des luttes, le programme de radio qui vous est proposé par le CSPCL, le Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Et du coup, aujourd'hui, on va aussi vous parler du cas de Miguel Peralta, un ex-prisonnier politique qui était venu nous voir au CSPCL lors d'une de nos assemblées ouvertes il y a quelques mois. Et du coup, aujourd'hui, on a Liu qui est avec nous pour nous parler un petit peu des dernières actualités par rapport à Miguel. Est-ce que, Liu, tu peux nous redire un peu qui est Miguel Peralta et nous expliquer un petit peu cette affaire, le contexte de son emprisonnement politique et revenir sur tout ça? Oui, Miguel Peralta, peut-être les gens qui suivent l'émission ou qui avaient suivi un peu les nouvelles du Mexique, du CSPCL, vous en avez peut-être entendu parler l'année dernière aussi, en avril, à la journée des prisonniers politiques. Il était avec nous, parler un peu de sa situation. Et en fait, dans les dernières années, en fait, on avait fait une campagne pour sa libération, parce qu'il a passé près de 5 ans en prison, au Mexique, dans l'état de Oaxaca. Sans avoir de procès, et y avait eu toute une lutte, il avait fait toute une lutte, une grève de la faim pour sa libération. Il y avait une sentence qui était tombée contre lui de 51 ans de prison, et dans une affaire, je vais revenir après sur l'affaire, où il n'était pas le seul prisonnier, il y a d'autres prisonniers qui sont d'ailleurs encore en prison. Et donc on va en parler après. Mais lui, c'était le premier, c'était l'un des principaux emprisonnés et le premier en fait à avoir la sentence. Donc du coup, son cas en fait, il est on va dire important parce que du coup, ça joue aussi sur la liberté des autres qui ont toujours pas été jugés. Et donc en fait il y avait eu cette sentence de 51 ans de prison, il y avait eu des mobilisations à la fois au Mexique et au niveau international et finalement donc la sentence avait été cassée par un recours, un tribunal qui avait statué pour une remise en liberté immédiate au vu des incohérences du dossier. Et donc il était venu en Europe, voilà, remercier aussi toutes les personnes qui avaient soutenu. Donc ça c'était l'année dernière. Sauf que en mai-juin, quand il est revenu au Mexique, en fait ils se sont aperçus que la sentence en fait il y avait en fait la part, enfin les parties adverses. Du coup, qui ont énormément de poids politique au niveau d'Oaxaca, un état du Mexique, dans le sud du Mexique, du coup, avaient fait appel de la décision et que la sentence avait de nouveau été réactivée et donc qui se trouve actuellement avec une sentence. Donc réactivé sur lequel il peut faire, il faut de nouveau qu'il fasse appel, mais donc une sentence de 51 ans de prison. Donc depuis, voilà, il est obligé de, enfin il est il est réfugié, il est en exil, il est réfugié, en attente que la situation juridique puisse être débloquée, sachant que voilà, c'est un peu le problème, c'est un peu ce qui se passe au Mexique, c'est que quand il y a des... Enfin, et pas qu'au Mexique, mais quand il y a énormément de pression politique, c'est très très très dur, dans le sens où toutes les démarches judiciaires faites, là par exemple, pour faire appel, elles sont bloquées, parce que les personnes de la partie adverse, en fait, notamment l'une des personnes a été présidente de la commission de justice de l'État d'Oaxaca et donc elle contrôle en fait l'appareil judiciaire de Oaxaca, donc du coup les papiers ne sont pas transmis, donc vu que les papiers ne sont pas transmis en fait les ordres sont toujours activés, enfin voilà, et toutes les situations qui font que en fait entre le fonctionnement normal de la justice et comment il s'applique en fait ça n'a jamais à voir parce qu'il suffit de faire disparaître des papiers, il suffit d'empêcher que la déposition d'un témoin soit enregistrée, plein de choses, etc., qui font qu'il y a des centaines, des milliers de personnes qui croupissent dans les prisons du Mexique sans pouvoir rien faire et en étant en prison depuis des fois 5 ans, 10 ans, sans procès, etc., parce que... les pièces pour... parce qu'il y a des pièces qui ont disparu dans leur dossier qui empêchent en fait qu'il se passe quelque chose et donc du coup ils sont enfermés quoi. Et avec tout ce qui peut être le reste, ça veut dire l'achat des témoignages, l'achat des juges, etc., etc. Alors l'affaire de Miguel et des 7 autres prisonniers qui sont toujours en prison actuellement à Oaxaca, c'est elle est liée à un petit village des montagnes de Oaxaca, dans une partie qui s'appelle la Sierra Mazateca. C'est une zone où les gens y parlent une langue qui s'appelle le Mazatec, c'est une région indienne qui doit faire 200 000 habitants, et précisément d'un village qui s'appelle Elosochitlan de Flores Magón, qui est un peu connu parce que c'est là où est né Ricardo Flores Magón, un célèbre anarchiste mexicain de la Révolution mexicaine, enfin qui a joué un rôle clé dans la Révolution mexicaine, mais on va en reparler après. Et du coup, donc, toute cette affaire, elle est liée alors, donc, à des conflits politiques qui ont eu lieu dans leur village d'origine, où en fait en 2014, il y a eu des affrontements politiques très durs au sein de la communauté. Suite à des tensions avec une famille qui a pris qui contrôlait le village dans les dernières années. Et donc cette famille qui est donc la famille Cepeda, qui a pris, enfin, on parle de famille parce qu'en fait avant il y avait le père qui a pris le contrôle, qui est devenu président municipal. Ensuite il a placé sa fille et que en fait c'est un espèce de clan donc qui a des liens de d'amitié, des liens de parenté, comment dire, enfin, c'est-à-dire le mari de la fille était assesseur politique pour un parti du gouvernement, etc. Donc en fait c'est un clan quoi, qui a un certain nombre d'instruments de pouvoir tant dans le village qu'au niveau de tout l'état de Oaxaca. Et du coup la fille est devenue députée, c'était l'une des députées les plus prometteuses un peu du parti au pouvoir qui s'appelle Morena. Dans l'état de Oaxaca il y a énormément d'amitié, enfin voilà, il y a une espèce de clan de pouvoir un peu qui s'est formé et ils ont pris un peu le contrôle de ce village là en rompant avec ce qui était un peu le modus operandi, enfin des villages, des élections, du pouvoir politique un peu qu'il y a dans les beaucoup de communautés de villages des régions indiennes du Mexique qui s'appelle les us et coutumes quoi. Et du coup les élections par us et coutumes font que en fait c'est des élections en général sur la place municipale du village où tout le monde se rassemble et donc il y a des différentes personnes qui se présentent pour les différents postes, président enfin pour diriger les villages. Et en fait les gens ils s'alignent derrière telle personne qui veulent élire. Donc ça veut dire que les personnes qui ont le plus de les candidats qui ont le plus de personnes derrière eux, bon bah du coup la personne qui a le plus de personnes derrière elle va devenir président municipal, celle qui en a un peu moins elle va devenir trésorier, celle qui en a encore un peu moins syndic, etc. Et ce qui fait un peu au niveau des villages, c'est un peu ce qu'on appelle les us et coutumes, des élections qui sont différentes du vote à bulletin secret qu'on a chez nous, mais qui font que en fait dans les villages il y a toutes les parties qui peuvent avoir des conflits en fait qui sont quand même représentées dans la mairie. Donc un peu les rapports de force au sein de la communauté sont respectés, on va dire, dans les personnes qui ont les responsabilités, qui ont les charges communautaires, dans le sens où c'est pas le président municipal qui dirige tout quoi. C'est comme si il y a une répartition des postes un peu comme nous, on va dire un peu à l'assemblée quoi, sauf que là c'est au niveau vraiment du village quoi. Et donc du coup ça c'était la manière de fonctionner des Los Ochitlan jusque là. Donc ça veut dire que quand il y avait il y avait toutes les parties qui étaient représentées dans les élections. Et cette nouvelle équipe un peu ce qu'on appelle les nouveaux caciques du village, qui avaient pris le contrôle du village, en fait ils ont rompu avec ces traditions là à la fois en achetant les élections, bon, ce qui est pas non plus ce qui s'était déjà vu dans dans la communauté. Ça veut dire que classiquement, en fait, des personnes achètent les votes en promettant 50 pesos pour que les personnes s'alignent derrière elles, quoi. Ça veut dire je t'invite, je te promets des faveurs, et puis du coup j'essaie de rassembler le maximum de monde derrière moi en promettant de l'argent, et puis et donc ensuite d'aider les personnes qui sont derrière. Donc lui, il avait acheté les élections de cette manière là donc il avait beaucoup de fonds à sa disposition pour ça. Donc il avait gagné cette famille avait gagné les élections à ce moment-là, mais surtout à partir du moment où ils avaient gagné les élections, ils ont décidé de diriger tout le village tout seul, quoi. Et donc ça avait provoqué des gros conflits à l'intérieur de la communauté, des très grosses tensions. Et du coup, vu que cette famille contrôlait aussi, avait des très fortes amitiés au niveau de l'État de Oaxaca, en fait, ils envoyaient systématiquement la police de l'État arrêter, intimider et arrêter les opposants politiques, donc, qui devaient se terrer chez eux et qui ne pouvaient pas protester contre cette dictature municipale, quoi. Donc du coup, c'est comme ça que le père de Miguel, par exemple, s'était retrouvé en prison, d'autres personnes, etc. Beaucoup de personnes s'étaient retrouvées intimidées, attaquées, menacées, etc. Jusqu'au jour où un peu vraiment tous les gens dans le village se sont organisés pour chasser ce clan qui contrôlait le village. Après avoir le père, ensuite la fille, finalement les gens sont organisés, ont réussi à élire une autre personne en assemblée générale des us et coutumes. Et là, ce qui s'est passé, c'est que il y a des comptes qui devaient être faits de comment avait été la gestion municipale et antérieure, et du coup qui allait révéler notamment des détournements d'argent. Il y avait plus de 20 millions de pesos, ça représente près d'un million d'euros, ce qui est énorme quand même pour une communauté villageoise indienne du Mexique, qui avait été détournée. Ou en tout cas ils pouvaient pas produire les comptes. Donc il y avait une commission d'enquête fédérale mexicaine qui devait arriver pour voir ça. Donc dans ce contexte-là, en fait, de nouvelles municipalités qui demandaient des comptes à la municipalité antérieure, en fait, ces caciques qui avaient été déboutés du pouvoir, ils avaient occupé le palais municipal avec une bande armée. Donc ils contrôlaient les archives, ils avaient obligé le nouveau président municipal à signer la démission, et du coup ils contrôlaient de nouveau le village en ayant expulsé la nouvelle municipalité, et du coup en empêchant la remise des comptes du mandat antérieur. Donc ça, c'était un peu la situation. Et dans ce contexte-là, en fait, il devait y avoir une élection traditionnelle d'une charge traditionnelle. L'alcalde mayor, qui est la personne qui règle les conflits de terre. Et à ce moment-là, donc en fait, c'est une élection pareille sur le terrain central du village, qui est aujourd'hui un terrain de foot, de basket, comme dans beaucoup de communautés indiennes, où les gens se rassemblent sur la cancha. Et du coup, il y a eu les deux parties qui devaient se rassembler ce jour-là. Et en fait, les personnes qui occupaient le palais municipal ont tiré sur la foule pour disperser leurs adversaires. Et là, donc, il y a un conflit extrêmement violent qui a impliqué plusieurs centaines de personnes, qui a démarré au sein de la communauté avec des affrontements. Des affrontements violents où les gens, ils ont riposté au tir par des lancers de pierres, de cocktails Molotov, etc. Au final, les gens ont fait fuir les occupants du palais municipal qui se sont réfugiés. Bref, dans cette journée d'affrontement, le fils donc du cacique qui contrôlait donc cette garde armée est décédé suite aux affrontements. Et du coup, suite à ce décès, c'est là où la persécution policière a démarré contre tous les opposants politiques, donc à cette famille de caciques, la famille Zepeda. Et donc il y a eu plusieurs dizaines d'ordres d'arrestation qui ont été ouverts, vu qu'ils contrôlaient le pouvoir judiciaire et policier de l'État d'Oaxaca. Et donc il y a plein de personnes qui ont dû s'enfuir de la communauté, qui étaient pourchassées, donc avaient des ordres d'arrestation. Bah voilà, Miguel s'est retrouvé dans ce cas-là, comme beaucoup d'autres personnes. Alors, la personne qui est décédée, elle n'est pas décédée c'était les premières versions qui ont été données. Elle n'a pas été sentenciée, je sais pas comment on dit. Elle est morte. Enfin, en fait, elle est tombée dans le coma suite à. En fait, elle a commencé à être lynchée. En fait, les gens, à un moment donné, l'ont attrapée, ont commencé à le frapper. Et finalement, en fait, les personnes ont dit non. Donc, elle est tombée inconsciente. Et les personnes ont dit non, mais de toute façon, c'est pas à nous de faire justice. On va l'amener au commissariat central de la région, dans une ville à côté qui s'appelle Huautla. Donc, il y a des personnes qui l'ont transportée, du coup, au commissariat central de la ville d'à côté qui s'appelle Huautla pour. Du coup, à la fois le déposer et l'incriminer pour les tirs d'armes à feu qui avaient été faits sur la ville, sur la foule. Et en fait, bah, il était inconscient à ce moment-là et en fait, il est décédé le lendemain. Et les personnes qui l'avaient amené du coup au commissariat ont tout de suite été arrêtées et sont encore en prison aujourd'hui. Bah depuis le décès du coup de cette personne, en fait, il y a ces dizaines d'ordres d'arrestation qui ont été amenés sans que l'affaire ait jamais été véritablement jugée quoi depuis maintenant 2014, depuis plus de 7 ans aujourd'hui. Parce que bah, il y a tout ce contexte-là en fait qui a été évacué et donc l'histoire a été présentée comme une tentative donc enfin pas une tentative un assassinat en réunion de la part de 30 personnes enfin voilà qui auraient décidé d'assassiner toute une famille voilà. Donc voilà, il y a tout ce contexte politique donc, qui font que bah, il y a plusieurs dizaines de réfugiés politiques suite à cette affaire. Voilà, c'est un peu le contexte général dans lequel Miguel a été le premier à recevoir sa sentence, que finalement qui a été démontée parce qu'il n'y avait aucune preuve ad hominem contre lui. Donc y a aucun témoignage qui l'accusait lui personnellement en fait comme un certain nombre d'autres en fait il était mis dans une liste de 30-40 personnes qui auraient donc participé au lynchage enfin voilà c'est une espèce de liste qui a été mise avec tous les opposants politiques en fait les plus en vue de cette famille qui a pris le contrôle du village depuis 2010. Oui, bah merci beaucoup Liu. On va faire une petite pause musicale avant que tu nous parles un peu de faire le lien avec le centenaire du coup de la mort de Ricardo Flores Magón et en quoi c'est lié à toute cette affaire. Merci. Thank you. La justicia no se asoma ni crea, ni no creas que hay esperanza de que por tu mano se nivele la balanza. Tu majadería ya no alcanza, sumisión no pido, manifestarme con gritos de confianza. Mi garganta no se cansa, no, no. No me representas con tu política, tus leyes y tu analítica. No me representas, somos dos nadie en tu estadística. A través del arte resistimos, autogestión y resistimos. La gente que con colores, palabras, sonido que estalla te vuelve a la vida. A través del arte resistimos, autogestión y resistimos. La gente que con colores, palabras, sonido que estalla te vuelve a la vida. Es el reflejo de la gente, la calle insurgente, disidente. No me compro las mentiras que nos vende este sistema patriarcal que me somete. Opresión que a los de arriba mantiene fuerte, endeudando el alma hasta en tarjeta de débito. Crédito, compro, debo, luego existo. Entre más tienes, considérate extinto. Entonces destellos de ilusiones, alternativos, modos, formas y razones, colectivos componen que a la normatividad descomponen. A través del arte resistimos, autogestión y resistimos. La gente que con colores, palabras, sonidos que estalla te vuelve a la vida. A través del arte resistimos, autogestión y resistimos. La gente que con colores, palabras, sonido que estalla te vuelve a la vida. Te vuelve a la vida. Te vuelve a la vida. Revolution of the rich. Esa guerra de resistencia que día a día se bate en las calles de cualquier rincón de los cinco continentes. Más allá de ideologías que nos dividen, hoy el pueblo de México nos estamos uniendo para actuar como patrones y derrumbar. El sistema podrido. FPP 106.3, la jungle des luttes, le programme de radio qui vous est proposé par le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Et du coup, on reprend avec Liu qui nous parlait du cas de Miguel Peralta, ex-prisonnier politique qui est maintenant toujours en exil et qui vient du coup de ce village qui s'appelle El Oxochitlán de Flores Magón. Et c'était en fait le village de naissance du fameux Ricardo Flores Magón. Et ça va être le centenaire de la mort de ce personnage qui était une grande figure de l'anarchisme au Mexique et de la révolution mexicaine. Voilà, le 21 novembre 1922, c'était le jour de sa mort. Et donc le 21 novembre prochain, ça sera donc son centenaire. Est-ce que tu veux nous revenir un petit peu, Liu, sur tout ça, sur Flores Magón et en quoi c'est lié un petit peu avec toute l'affaire Miguel Peralta et des prisonniers politiques là-bas. Oui, c'est... Enfin, là où c'est lié... voilà, que c'est une histoire qui est un peu importante et qui est emblématique et qui reflète quelque chose, c'est que Ricardo Flores Magón, qui était un anarchiste et libertaire mexicain qui a énormément marqué l'histoire de la révolution mexicaine en 1910 et tout l'anarchisme mexicain qui a laissé beaucoup d'écrits, qui a laissé vraiment une... c'est même un héros national au Mexique, mais qui a une renommée internationale aussi, qui a été proche des Industrial Workers of the World, qui a organisé un peu depuis, avec le soutien aux États-Unis, un peu le soulèvement contre la dictature de Porfirio Diaz en 1910, le soulèvement armé. C'est une figure qui a marqué à la fois l'anarchisme mexicain et à la fois des gens comme Miguel, enfin, et des gens de son village justement, et qui ont politisé en fait. Enfin, Miguel par exemple s'est politisé. Enfin, c'est quelque chose qui a joué beaucoup dans sa politisation, comme d'autres personnes de son village. Et notamment parce que dans les années 90, il y a des grandes rencontres qui avaient été faites autour de Ricardo Flores Magón, des rencontres internationales d'ailleurs, anarchistes, dans son village natal. Et je crois qu'il me racontait ça une fois, il avait peut-être 12-13 ans, quand il y avait des personnes un peu du monde entier et du Mexique, des anarchistes qui étaient venus discuter un peu de la pensée de Ricardo Flores Magón, etc. Puis ça avait été eux qui avaient grandi dans le village, même si c'était la figure tutélaire du village, ils connaissaient pas forcément les écrits. C'est quelque chose qui avait beaucoup joué un peu dans leur politisation. Et après Miguel, c'est une personne qui a fait partie du milieu anarchiste ensuite aussi, ensuite après à ses études universitaires, etc. Et donc ça c'est un des liens, mais aussi le deuxième lien, c'est que Ricardo Flores Magón, c'est quelqu'un qui s'est toujours battu contre la prison et qui est mort en prison, qui est mort donc il a été plein de fois condamné et emprisonné avec plein de fois des manifestations, une libération, tout ça, etc. Et finalement, il a été, suite aux pressions, parce que du coup, pareil, il était en exil, il a dû se mettre en exil, parce qu'il éditait un journal qui s'appelait Régénération, qui était distribué dans tout le Mexique et qui appelait au soulèvement armé, qui relayait un peu les actions contre la dictature et donc et contre les propriétaires terriens, etc. Et donc il était en exil aux États-Unis, c'était là où il y avait la base opérationnelle, où était imprimé le journal qui était distribué dans tout le Mexique ensuite par des réseaux clandestins. Et donc il y a eu une répression policière qui a démarré ensuite aux États-Unis même. Il a été incarcéré aux États-Unis même et il est mort dans la prison fédérale de Leavenworth. Qui est une célèbre prison où sont emprisonnés les opposants politiques aux États-Unis, au Texas, il me semble, ou au Nouveau-Mexique, je ne sais plus, mais là où était Léonard Peltier, par exemple, pendant longtemps, etc. Et donc, il est mort avec des gros doutes qu'il ait été assassiné à l'intérieur de la prison le 21 novembre 1922. Et donc là, on va fêter les 100 ans de sa mort, son décès en prison. Et aujourd'hui, il y a toujours cette situation avec sept prisonniers politiques qui sont en prison sans procès depuis plus de 7 ans, presque 8 ans maintenant, qui sont originaires du même village. Il y a Miguel qui est en exil. Il y a d'autres personnes qui sont obligées de se cacher pour les mêmes histoires. Et du coup, donc ça à la fois, c'est les 100 ans qui vont venir, donc il y a une semaine un peu de commémoration qui est appelée du 14 au 21 novembre pour fêter, enfin pour commémorer ce centenaire de la mort de Ricardo Flores Magón. Donc c'est à la fois l'occasion de se souvenir de qui était Ricardo Flores Magón, de relire ses écrits. Il a beaucoup écrit sur la prison, il a écrit sur beaucoup de thèmes anarchistes et puis sur la nécessité de pas changer, que c'était plus important de changer, de reprendre les terres et reprendre la liberté plutôt que de changer de maître, ça veut dire que changer de président, que le but d'une révolution c'était pas de remplacer un président par un autre, mais c'était de retrouver la liberté et les terres qui sont spoliées quoi par le capitalisme. Voilà, donc plein d'écrits de Ricardo Flores Magón qui sont importants, mais aussi se souvenir que 100 ans après en fait il y a rien qu'à changer, et que cette lutte qui avait été menée par Flores Magón, elle est toujours d'actualité. On pense que c'est important et que c'est important que ces 100 ans-là, ça soit l'occasion aussi de réactiver un peu une campagne internationale pour la libération des 7 prisonniers encore aujourd'hui enfermés après 8 ans. Pour la suspension définitive des ordres d'arrestation contre Miguel et contre les autres personnes qui sont incriminées dans cette affaire et plus largement pour la libération de tous les prisonniers politiques au Mexique. Que ça soit l'occasion du 14 au 21 novembre de parler tant de Flores Magón que de réactiver un peu cette solidarité internationale anticarcérale avec les prisonniers mexicains et les prisonniers politiques au Mexique. Voilà, c'est un peu ça. On va peut-être en reparler. On a le temps là entre la prochaine émission de la jungle des luttes. Mais en tout cas, si vous pouvez en parler à travers vos réseaux, c'est important de témoigner de ça. S'il y a des articles qui sont relayés dans des publications, d'autres émissions un peu sur les 100 ans de Flores Magón, on pense que c'est important d'insister sur ça, sur la situation aussi aujourd'hui des prisonniers politiques au Mexique. Voilà, ça sera un peu le mot de fin. Merci beaucoup, Liu. On va faire une petite pause musicale. 6.3 FPP, la jungle des luttes, donc à propos de Ricardo Flores Magón et du 21 novembre, donc justement ce sera notre prochain programme radio puisque c'est le troisième lundi du mois, on essaiera de vous partager justement des choses qu'il a pu écrire, tout ce qu'il a pu apporter au mouvement anarchiste et révolutionnaire au Mexique et ailleurs. Et donc ça, ce sera notre prochain programme radio. On n'a pas encore tout prévu, mais ça devrait se caler. Par contre, la veille, c'est au CICP, les concerts CCC, Collectif Contre Culture, qui organise un concert en solidarité avec différents groupes, associations, collectifs. Et donc le prochain, c'est donc le 20 novembre. Et donc c'est avec nous, c'est SPCL, et on en profite justement pour... mettre en avant Ricardo Flores Magón à cette occasion. Donc on pourra partager également à cette occasion au CICP, dimanche 20 à partir de 17h, ouverture des portes, discussion et puis concert évidemment. Merci. Donc on fait une micro-pause musicale et on sera ensuite au Mexique en plein en direct avec Nicolas qui nous partagera toute son aventure. En un día de enero, en épocas de Echeverría, no era gente de dinero, tampoco era de familia. De entre desaparecidos, jóvenes y confundidos, a ellos no les ayudaron, solo se las arreglaron. Luego de criar a los críos, vino un tal López Portillo, según esto muy leído, muy soberbio y engreído. Como un perro les dijeron que defenderían al peso, pero el perro era un sabueso y quería robarse ese hueso. Casi del mismo perfil, también de filas del PRI, a jodernos por 6 años, vino un tal de la Madrid. Cuando en épocas del sismo no ayudó a los mexicanos, pudo más un narcisismo y mejor se lavó las manos. Remedio para el egoísmo de esta clase de alacrán, prefirió picarse el mismo y el solito darse crán. No podía ensuciarse más la imagen de un presidente que en la fiesta del mundial le chifló toda la gente. No olvidamos, aquí se lo recordamos. FPP 106.3, la jungle des luttes, le programme de radio qui vous est proposé par le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Et du coup, aujourd'hui, on a aussi une personne qui nous vient de la cantine syrienne et organisatrice du festival Les Peuples Veulent, qui va nous annoncer la prochaine édition du festival. Oui, bonjour. Du coup, le 21 commence le festival Les Peuples Veulent, un moment très intense car c'est la 4e édition de festival maintenant. Ça a commencé en 2019 avec la vague de mouvements, des révoltes dans le monde arabe et en Iran, au Chili, un peu partout. Cette année, on organise ce festival avec beaucoup plus d'ambition. On a 30 militantes et militants qui viennent du monde entier nous rejoindre à Montreuil pour venir débattre et partager avec nous de la nourriture, danser avec nous car il y aura des concerts aussi. Du coup, tout cela va se passer du 21 au 23, vendredi 21 au dimanche 23. On va commencer par des concerts, par une projection une série de projections de films le vendredi. Des films engagés faits par des collectifs de cinéma. Ensuite, on va enchaîner avec des concerts assez intenses à Aïri, au 57 rue Étienne Marcel, pour enchaîner par la suite samedi et dimanche deux journées où il y aura des tables rondes avec des thématiques très intéressantes. Quatre thématiques s'annoncent pour ces tables rondes. Qui sont les suivantes, comment s'organiser politiquement, comment s'organiser en temps d'effondrement, libération décoloniale et international féministe. En parler à ça, à la parole errante, samedi soir, il y aura une grosse fête aussi, du coup venez danser avec nous, ce serait chouette. On termine le festival du coup dimanche, il se clôt quelque part à 18h le soir. Ça va être un moment assez chouette, du coup, venez plusieurs. Vous êtes le bienvenu dans les 3 endroits de Montreuil, du coup, ce serait Aïri, Parlerante, et aussi à la maison ouverte de Montreuil. Il y aura un plateau radio qui sera ouvert au public. Le programme s'annonce prochainement sur les réseaux sociaux. Vous pouvez le regarder sur la page Facebook de Festival Les Peuples Veulent, et aussi sur notre site internet, La Cantine Syrienne. Super, bah merci beaucoup. Donc rendez-vous ce week-end, 21, 22, 23 octobre, voilà, dans ces 3 lieux à Montreuil pour le festival Les Peuples Veulent. Merci, pause musicale. Nos démons demeurent intacts, ne changeront pas le point d'impact. Si leurs fantômes sont ivres, aveugles et sans tact, notre peine ils s'enivrent, nos équilibres ils détraquent. Et la plaie s'envenime, au moins de leur fait acte. Y'a de bien tristes choses qui nous attendent encore. Moins de bon que de morose dans ce que constitue notre sort. On avance dans la névrose, on prend cancer à bras le corps. Si le futur n'est que sclérose, si on crève pas, on sera plus fort. Je ne viens de nulle part, mais aucune destination ne me fit pas plus au hasard. 106.3 FPP, la jungle des luttes, Donc, nous sommes avec Nicolas. Nico, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis Nicolas, c'est Nico. Parce que tu es mexicain en plus, donc ça ne se dit pas Nicolas du tout. Et donc, justement, on s'est rencontrés lors du voyage pour la vie, l'organisation du voyage pour la vie, donc la venue des apatistes en Europe, enfin, sur les terres de l'Europe insoumise. Et donc, ça, c'était l'année dernière, justement, qu'on les a accueillis. On a eu l'occasion de se rencontrer. Et toi, entre-temps, t'es parti au Mexique. T'as fait tout un tas de choses, mais t'es aussi allé au Chiapas. Et c'est justement de cette rencontre au Chiapas, de ce que t'as vécu, que tu veux bien partager avec nous. Donc, je te laisse nous raconter tout ce que t'as pu voir et tout ce que tu peux nous partager. Merci bon. À toi d'être avec nous. Bon, merci à toi Vicky, à toute l'équipe des SPCL et d'ouvrir cet espace des caisses de résonance pour des luttes ici et ailleurs. Et oui, comme tu viens de dire, moi je voulais raconter un peu de ce que j'ai vu au Chiapas et spécifiquement par rapport à un conflit qu'on peut même appeler un début de guerre civile dans une communauté qui s'appelle Aldama. Et dans les Altos de Chiapas, du coup la partie nord, au nord de San Cristobal. Et je voulais vous raconter un peu l'expérience, les choses que j'ai vues, et puis en deuxième temps, parler plutôt du contexte des violences actuelles et aussi de la lutte, d'une lutte qui se présente comme une lutte intercommunautaire, une lutte foncière pour la terre, mais qu'en réalité il y a plein d'autres choses. Et derrière qui se trame. Voilà. Et donc moi j'ai été en janvier 2022 et j'ai passé à peu près un mois au Chiapas et j'ai accompagné un pote à moi qui accompagne pas mal de luttes là-bas et qui est très proche des gens qui habitent Aldama, du coup des habitants d'Aldama et des gens qui sont aussi des compas zapatistes, du coup qui sont dans le mouvement zapatiste. Et du coup, la première fois que je suis allé, pour situer un peu visuellement les choses, on est parti de San Cristobal, du coup cette petite ville des montagnes que toi tu connais bien. Et on est parti en voiture, le matin, il faut prendre la route vers les montagnes, non? Et c'est t'allumes la radio, tu connais bien, t'allumes la radio, il y a des chansons de diverses églises protestantes un peu et partout. Fortes, possible, à fond. Ouais, voilà. Dans le brouillard aussi, des fois. Dans le brouillard, tout le temps. Et tout commence à monter. C'est la route qui part, pour les gens qui connaissent, c'est la route qui mène jusqu'à le Caracol de Ventic, du coup la siège du Caracol de Ventic. Et puis après, qui continue à monter jusqu'à San Andrés la Reinser, que pour les gens qui connaissent un peu l'histoire du mouvement zapatiste, c'était les lieux où en 96-97, je pense, ont eu lieu les accords de San Andrés. Ils ont été signés en 96, les accords, donc voilà. C'était en ouais. Amont quoi, de 95-96. Oui, il y a tous les processus qu'ils ont organisés. Du coup, c'est ce village-là qui s'appelle San Andrés la Reinsa. Et puis tout le monde, tu continues à monter, tu arrives à cette tout petit village qui s'appelle Aldama. Et qu'Aldama, c'est le nom officiel, mais ça fait partie aussi quand tu arrives en voiture, à un certain moment, tu vois un panneau, comme dans d'autres villages du Chiapas, tu vois un panneau qui dit municipio autonome rebel zapatiste. Et qui pour les zapatistes s'appelle plutôt Magdalena de la Paz. Ça, c'est le nom du municipe autonome. Non? Mais le nom du municipe officiel, c'est-à-dire du gouvernement, c'est Aldama. Et maintenant, c'est un municipe, mais avant, ça faisait partie du municipe de Chenalo. Et ça, c'est important. Après, je vais dire pourquoi. mais voilà. Et donc, tu arrives à Aldama. Après, tu descends. Il y a comme dans plein de villages, il y a les municipes autonomes. Du coup, une petite cabane, espace zapatiste avec un mural, un peinteur mural très joli. Et voilà. Mais après, tout descend, il y a aussi un municipe officiel, donc comme ailleurs. Il y a un tas de choses qui se juxtaposent. Après, tu vois une petite église protestante qui dit que cette village a été acheté avec la sang du Christ. Et puis, tu vois l'église catholique juste à côté et les centres religieux des cérémonies plutôt autochtones quoi, du lieu. Et puis tu arrives en explanade, il y a un vue magnifique, quoi, tu vois la vallée, et après la petite rivière, bah, sont les montagnes du Chiapas. C'est magique. Quoi. Ouais. C'est vraiment magique. Et de l'autre côté, il y a une espèce de vallée, et ça fait, je pense, un kilomètre à peu près de l'autre côté de la vallée, tu peux voir un autre village qui s'appelle Santa Marta. Et voilà, et maintenant il y a des gros conflits entre Santa Marta et Aldama. Ce sont des conflits tensions. On va avoir le temps de parler un peu de l'historique de tout ça. Mais en gros, voilà, ce sont deux villages, sociles en plus, mais c'est-à-dire un peuple autochtone, un peu de racines maya, mais. Nous, on a la tendance à dire que sont la même chose, qu'on peut les appeler comme un seul peuple, mais en réalité, il y a plein de différences. Même dans ces deux villages, il y a différentes coutumes, ils utilisent des vêtements différents. Et c'est vraiment un village qui est à 500 mètres, un kilomètre. C'est des questions de vallée, quoi, voilà. De l'autre côté. Et donc, ils parlent sotsil, mais c'est pas forcément le même peuple, quoi. C'est pas forcément la même communauté. Non. Et voilà, donc, la première fois que je suis allé, on a descendu, on était accompagné par du compas Baptiste aussi. Et ça a commencé un peu la saison des récoltes du café. Donc il y a aussi plein des champs, des arbres du café un peu partout. Et on descend d'une petite route de terre juste à côté du ravin de la colline. Quoi. Et tout on descendait, et à un certain moment, on arrive à des petites localités, que en espagnol on appelle localidades, non, qui font partie... Des petits hameaux. Oui, voilà, sont des hameaux qui font partie du municipe officiel d'Aldama. Et dans la première, je me souviens, il y avait même une école sapatiste, non, après tout continue. Et à un certain moment, tu arrives à une petite localité qui s'appelle Tabac, et dont il y a une école. Et moi, je me souviens, on est arrivé, on a garé la voiture juste à côté de la colline, il y avait un gros arbre. Et j'ai descendu, et ils m'ont dit, ouais, ça c'est l'école officielle. Et j'étais un peu frappé parce qu'il y avait une espèce de mur de pierre construit juste à côté de la porte d'accès, non, du portail d'accès. Et c'était un mur de pierre un peu bizarre. Non, je me suis rapproché, puis je voyais des choses bizarres dans les murs, dans la façade de l'école. Quand je me suis rapproché plus en plus, je me suis rendu compte que c'était des marques de terre de balle. Il y avait à peu près une vingtaine. Non, et ça, c'était l'école primaire où il y a des enfants, de 7 ans jusqu'à 12 ans, ouais, voilà. Et à ce moment-là, il y avait deux classes, non, d'enfants. Ils étaient sur place, ils étaient en train de prendre des cours. Et j'ai marché un peu plus, j'ai vu derrière, il y avait une espèce de cours où les enfants jouaient, et que c'était un cours de basket pour jouer au basket. Mais il y avait toute une espèce de clôture, un mur, qui encerclait toute la cour. Non, ils m'ont dit, ça, ces murs, c'est nouveau, parce qu'on a dû le construire parce qu'il y avait des tirs de balles qui arrivaient à l'école, et c'était pour protéger les enfants. Et les gars qui étaient en train de pendre les murs, c'était un mur bleu, non, couleur bleue, et a été tiré dans la jambe pendante pendant qu'il était en train de travailler. Et voilà, donc là j'étais vraiment frappé par la matérialité du conflit, parce que ce sont des choses que les gens qui sont dans des réseaux de solidarité ou qui connaissent un peu les conflits là-bas, on écoute tout le temps les noms d'Aldama, et on est tout le temps en train de voir passer des choses, des conflits, des tirs de balles, des agressions paramilitaires. Ouais, parce que ce conflit, il a donc effectivement des années. Ouais, exactement, ça fait des années, mais surtout ces derniers mois, on a vu passer un tas de nouvelles sur ce sujet-là. Mais jusqu'à ce moment, j'ai vraiment senti dans mon corps qu'est-ce que ça voulait dire. Non, il y avait des enfants là, il y avait vraiment des tirs de balles un peu partout, ils ont dû encercler l'école à cause de ça. Et puis, à côté, c'était juste après le Covid. Et donc, en réalité, les enfants, ça faisait 12, Ouais, 12 ans qu'ils n'allaient pas à l'école. C'était la première semaine après 12 ans. Et c'est une école qui fonctionne pas seulement pour cette petite localité, mais pour toutes les localités de la zone. Et voilà, ça, c'était le premier coup que j'ai aperçu que j'ai eu et du conflit physique. Là, et après, on a descendu à pied parce qu'il y a une route qui est ils étaient censés déconstruire il y a longtemps. Ils ont donné dans plusieurs cas au Mexique, ils ont donné plein de sous pour faire des infrastructures qu'après, on ne sait pas on où sont finies. On n'en voit pas la couleur. Ouais. Et du coup, il y a cette route qui n'est pas une route asphaltée et qui, en plus, est un peu problématique pour les gens qui habitent un peu plus loin parce qu'ils doivent mener leur récolte du café ou du maïs. Et à la ville ou à d'autres villages, ils n'arrivent pas à les faire parce qu'il y a cette route complètement défoncée. Et voilà, donc on descendait par ces routes-là, et les gens qui nous accompagnaient sont partis un peu plus loin. Et nous, on était un peu comme des touristes, on ne connaissait même pas, on était en train de marcher, il y a une petite courbe très, très grande qu'on a pris tranquillement, en train de voir un peu les choses. Puis c'est un paysage magnifique, donc on s'est arrêté un peu pour voir le paysage. Mais quand on arrive à la fin de la courbe, il y avait notre ami un peu guide qui nous avait emmené et qui était très très angoissé. Il nous a dit vous devez pas du tout faire ça, vous êtes traîné là, vous exactement vous avez... En plus, il y avait un des gars qui avait un t-shirt rouge et il nous a dit vraiment ça c'est exactement ce qu'il faut pas faire ici parce que vous êtes dans la ligne des fous. Et là, on a compris que c'était vraiment des tirs de balles qui venaient de l'autre côté de la vallée, du coup, de l'autre village qui s'appelle Santa Marta. Et elle nous expliquait un peu plus que vraiment presque parfois, il y a des semaines que c'est vraiment tous les jours qu'il y a des tirs de balles. Et que parfois, il y a des blessés, parfois non, parfois sont doutes. Tirs des balles, parfois, c'est beaucoup plus, non ? On a descendu un peu plus. Je sais qu'à une époque, en fait, ils tiraient surtout la nuit. Comme ça, ils étaient sûrs, effectivement, de ne pas te faire blesser. Par contre, d'apeurer et terroriser c'est le harcèlement. Parce que ça peut aussi passer à travers les tôles, parce qu'ils ont des constructions quand même assez sommaires. Et donc, du coup, ils tiraient à une époque, donc essentiellement la nuit. Donc, ça tapait sur des tôles ou des arbres. Et ça touchait personne. Oui, voilà. C'était déjà il y a plusieurs années, effectivement. Oui, et maintenant, ça continue. Maintenant, c'est plus sérieux aussi. Et c'est encore pire parce qu'il y a... Et puis, on a descendu un cours plus. Et on a compris aussi qu'il y a plein de champs, des cafés à toute cette côté de la vallée. Et c'était complètement abandonné parce que les gens ne peuvent plus travailler leurs champs parce qu'ils ont peur d'être vissés, non ? Par les tirs. Et puis plus loin, il y a encore d'autres petites localités, petits villages, quoi, et qui maintenant sont complètement abandonnés parce que les gens ont été déplacés, et précisément à cause des choses que tu viens de dire, et que maintenant ils ne peuvent plus habiter là-bas. Ils ont dû quitter leur maison et maintenant ils habitent ailleurs. Donc il y a plein de maisons. Puis des maisons un peu neuves, parce qu'elles viennent un peu des projets sociaux de l'État, voilà, qui sont complètement vides, parce que les gens ont été déplacés. Bah ouais, on préfère, ouais. Et donc, c'était intéressant parce que nous, on a fait tous les parcours, et puis ils nous ont raconté aussi, par exemple, que les gens de la communauté ont commencé à prendre des sentiers, des petits chemins dans la montagne, parce qu'ils ne peuvent plus utiliser la route. Et encore une fois parce qu'ils ont peur d'être tirés de l'autre côté de la cible, ouais. Voilà. Et puis on est parti, c'est une sensation bizarre parce qu'après quand on est retourné, on avoue aussi dans cette, on a tourné par la même route, on avoue dans la même, à côté de l'école de tabac, il y avait tout ce qu'on appelle au Mexique des operativos, du coup des opérations militaires, et que maintenant, à partir de 2018-2019, ça s'appelle Operativos Mixtos. Du coup, il y a des camions de la police, du coup, de la police municipale, mais aussi une chose qui s'appelle la Guardia Nacional, que c'est un autre corps. Type la gendarmerie. Genre. C'est comme la gendarmerie, voilà. Et puis, un camion de l'armée aussi. Et donc, ils font des Operativos Mixtos, mais en réalité, ils font rien, quoi. Ils arrivent au village, ils gardent les camions, ils restent là je sais pas, 30 minutes, il prend mon coca dans le petit magasin du coin, et puis il répare. Non, et ça, ça n'a rien changé par rapport à les choses du conflit. C'est ça qu'ils nous ont raconté là-bas. Et donc, on retourne là-bas, on a vu la police, on a vu ces gens-là. Et c'est une ambiance bizarre parce que même les gens, nos guides nous ont dit, en réalité, maintenant, ça va mieux. C'est-à-dire, ces dernières semaines, l'école vient de réouvrir. Du coup, on est plutôt positif par rapport au conflit. On pense que ça va améliorer. Et on verra qu'est-ce que ça donne. Non? Et c'est comme ça qu'on est parti. Et je pense que c'était même pas une heure, peut-être une heure et demie. On n'était même pas arrivé à Saint-Christobal quand on a reçu une autre information qu'il y avait des tirs de balles. Et une semaine après, ils sont tués. On est revenu parce qu'ils sont tués. C'était pas un compas sympathique, mais c'était un habitant du village qui avait, je pense, que presque 20 ans. Il venait de se marier. Il a été tué quand il était en train de travailler ses champs. Oui, il partait travailler les matins et il y a une camionnette qui arrivait et qui l'ont tué de près. Et ça, c'était une semaine après les ressentis positifs. C'est-à-dire qu'il y a eu un petit moment d'accalmie, ouais. Mais le problème est loin d'être réglé. Voilà, et deux jours après, aussi, il y a un compas, lui, il était sympathique, qui a été aussi blessé et qui a fini à l'hôpital. Et voilà, c'est un conflit qui s'intensifie pour donner un peu plus de contexte. Du coup, on fait une petite pause musicale. Un canto. Uy, dale amiguito que te dejo changui. Sale una vaquita pa' un champán con speed. Entrada no pagamos porque yo tengo free, free, free. ¿Pa' dónde? Amiguita está pidiéndome weed. Lo combina con tabaco pa' que pegue más chill. Nos sacamos una foto, nos ponemos así. Medio china, medio fea, te dio miedo que diví. Suena Sara Eve. Reggaetón antifa pa' que la gente lo baile como quiere. Rompiendo las redes. A los guachos que la gastan con la cola perreando como quieren. Quieren, quieren, quieren, quieren, quieren, quieren, quieren. Suena Sara Eve. Quieren, quieren, quieren, quieren, quieren. Esto está empezando, fuego. Gamer de corazón, siempre play en algún juego. Me gusta tu cachondeo. Meneando como don, separándome del ego. Papi, lo hago como quiero. Sacudiendo los bombón hasta que se ponga feo. Mami, give me algo bueno. Que ya va a salir el sol, me dijo que lo miremos. Changui, sale una vaquita pa' un champán con speed. Entrada no pagamos porque yo tengo free, free, free. ¿Pa' dónde? Amiguita está pidiéndome weed. Lo combina con tabaco pa' que pegue más chill. Nos sacamos una foto, nos ponemos así. Medio china, medio fea, te dio miedo que diví. Sí, suena Sara Eve. Reggaetón antifa pa' que la gente lo baile como quiere. Rompiendo las redes. A los guachos que la gastan con la cola perreando como quieren, quieren. 3 FPP, la jungle des luttes. On finit notre programme avec donc Nico qui est parti au Mexique et qui était dans la région du Chiapas et dans la communauté d'Aldama, qui précisément vit depuis plusieurs années des conflits. Et donc ça revient à des conflits entre communautés pour des questions foncières à la base, mais derrière il y a tout un tas, c'est tout un système. Et donc peut-être que tu peux un peu nous éclairer justement de comment on en vient à se faire tirer dessus, à mourir, à être harcelé depuis des années. Oui, et puis c'est intéressant parce que c'est des deux côtés. Il y a des déplacés, des morts dans l'autre village aussi, à Santa Marta. Du coup, il y a même pas deux semaines, après à peu près 200 personnes qui ont été déplacées à Santa Marta aussi. Donc c'est à cause de ça que dans les journaux au Mexique, on voit parfois, on présente ça comme un conflit entre communautés, précisément comme tu l'as dit, et comme un conflit foncier, c'est-à-dire pour la propriété de la terre. Et c'est vrai que dans ces cas-là, il y a un conflit historique pour à la base 60 hectares de terre qui appartenaient à un village qui a pu être donné à l'autre. Et voilà. Mais il faut comprendre ça aussi dans les dispositifs aussi que l'État a obligé un peu les gens à faire cette démarcation foncière. Et puis, plutôt dans les années 2000, avec les programmes de procédé, que c'est les programmes plutôt issus de politiques néolibérales pour la régularisation des titres fonciers. Et ils ont refait un peu les mesures. Le gouvernement a tout raté, quoi, comme toujours. Et ils ont refait les mesures foncières, ils se sont retrompés. Du coup, ils ont mis les communautés en conflit à partir de ça. Et les procédés, c'est intéressant, par exemple, comment est-ce que les zapatistes parlent de ça? Le procédé, ce n'est pas un procédé, c'est un programme. Oui, c'est un programme du gouvernement. C'est un programme du gouvernement. Pour la régulation des titres fonciers. Et c'est intéressant parce que ce que les zapatistes disent de procédé, par exemple, c'était que le gouvernement nous a donné la liberté, mais la liberté de vendre nos terres. Non, parce que c'est les procédés, c'est pratiquement la possibilité de privatiser les titres fonciers qui avant étaient des titres des terres communales. De fait, le soulèvement zapatiste, il est né du fait qu'il y ait eu la réforme de l'article 27 de la Constitution, qui était le gain de la révolution du siècle, du 20e siècle, du début du 20e siècle, qui précisément justement mené par Zapata, d'où le nom des zapatistes, précisément parce que ça, c'est cet article 27, il a été réformé du fait de l'ALENA, qui l'ALENA, le traité de libre-échange États-Unis, Canada, Mexique, exigeait que les terres sociales et collectives, qui est une dénomination qui n'existe pas en France, puisque ça n'existe pas, la propriété collective sociale. Et c'est justement cette réforme qui fait que maintenant, les gens peuvent vendre des parcelles, et c'est grâce à ça qu'ils peuvent s'immiscer sur les terres et jouer, justement. Exactement, et ça génère plein de conflits. C'est pas qu'Aldama, mais il y a plein de lieux des communautés au Chiapas qui maintenant sont en conflit à cause de ça. Et de l'autre côté, seulement pour finir vite, il y a aussi tout le contexte des paramilitaires, parce que maintenant on parle d'un conflit intercommunautaire, mais si on voit les photos, les vidéos des gens, les gens sont armés avec des armes de gros calibre, que ça, c'est pas les communautés qui les achètent. Et il faut comprendre qu'au Chiapas en particulier, il y a une histoire de l'État qui est armé et des groupes de la société civile pour combattre précisément le mouvement zapatiste depuis 1994. On peut voir, il y a même un document qui a les Fraiba, du coup les centres des droits humains, qui est un document de l'armée où ils explicitent qu'une des stratégies de contre-insurrection, c'est donner des armes et former la contre-insurrection qu'en Amérique latine on connaît bien. et c'est le retour, en fait, parce que justement, ils étaient passés à une autre stratégie au début des années 2000, et là, ils n'arrivent toujours pas à en finir. Et, Et on voilà. retombe dans le vice Exactement. De et la donc, violence. Du coup, il y a toute une histoire de l'État qui a armé les communautés, que maintenant on les voit très bien. Et c'est vrai qu'en même temps, on a eu dans les années 2000, comme tu as dit, un changement de stratégie de l'État en disant on va mettre des programmes sociaux. Et ça, c'est aussi des stratégies de contre-insurrection parce qu'ils essayent ils empêchent ils empêchent l'organisation communautaire. Mais maintenant, il y a une prolifération des groupes armés un peu partout au Chiapas, et ça veut dire aussi une montée de la violence, et ça se situe aussi dans un contexte où il y a les narcotrafics des cartels qui arrivent et qui mobilisent aussi des gens qui étaient déjà dans des groupes paramilitaires. Et il faut comprendre aussi, sur une dernière chose, que dans un contexte un peu historique, Santa Marta, du coup, l'autre village qui est de l'autre côté, en face de Aldama, appartient au municipe de Chenaló. Et Chenaló, c'est un peu le berceau historique des groupes paramilitaires au Chiapas. Et c'est aussi les lieux où en 97, y a eu la massacre d'Acteal. Et que c'était un massacre. 43-46 personnes qui ont été tuées. Et maintenant, on voit un peu la répétition d'actes. On parle des narcos et en même temps aussi des guerres religieuses qui ont énormément divisé et fait du mal aux communautés en justement évangélistes. Enfin, tout ça, c'est. Ouais, ça se joue tout dans le même contexte. Ouais. Voilà. Et puis en même temps, il y a des gens, pas seulement Aldama, mais ailleurs, qui disent que tous ces conflits-là. Et se joue aussi dans une espèce de stratégie de dépeuplement pour appropriation des terres, appropriation des ressources. Du coup, on peut voir dans d'autres lieux au Chiapas des licences qui ont été données un peu de façon pas publique à des entreprises minières transnationales, et qu'après, à un certain moment, il y a des conflits intercommunitaires qu'on ne comprend pas trop, comme maintenant Aldama, on ne comprend pas trop pourquoi, comment est-ce que la violence monte autant, et quelques années après, on voit qu'il y a une entreprise minière qui arrive parce qu'il n'y a plus d'habitants, parce que tout le monde a été déplacé et que c'est approprié du territoire. Hein. Et voilà, donc il faut penser à tout ça. Donc c'est le problème effectivement de tous ces projets inutiles de partout et partout. On en reparlera forcément. Merci Nico pour ta présence. 106.3 FPP, la jungle des luttes, c'est fini. Si, ben, je sais pas, on dirait que c'est fini quand même. Et puis donc vous n'oubliez pas, demain c'est journée interpro. Donc si on peut, on marche dans la rue. Et puis on se mobilise parce que là c'est un peu la fin des haricots quand même. Les droits se font broyer. Donc on y va. Et puis le CSPCL, on est toujours en assemblée ouverte le 1er, 3e et 5e mercredi du mois. Donc 1, 3, 5e mercredi du mois à 20h30 au CSPCL, dans les locaux de la CNT, métro Avron, 33 rue des Vignoles. Merci FPP, merci de nous avoir écoutés tous et toutes. À très bientôt. La lucha sigue. Thank you. siempre.